aïe aïe aïe. Un petit free-free, comme ça là je suis au feeling. Pas de finu, mon rap c'est pas une boîte de strip affilié. Ils sont tous sur iTunes, j'ai encore des vinyles. J'suis fini, rien à foutre, j'impose ma patte comme Wolverine. J'veux pas savoir si tu captes ou pas. J'le capte ou j'blâche, j'ai la saveur d'un catch ou pas. Capuché, j'ai plus la concurrence à coup de jab. Pas de coup de jab, comme la mort de Katusha. C'est pas tout ça, j'ai crappé, kické des Broadway. J'veux tout rafler de Hollywood jusqu'à Broadway. On sort les rottes et les glocks, fait couler le blood. Ouais, on boit nos plugs, c'est glocks. C'est une époque merde. Ray, dis-moi s'il faut que j'arrête ou que je reste jusqu'à 70 ans comme Bon Arrêt. J'ai peur, mon rap soit classé X comme Malcolm. J'm'alcoolise, le KKK il se m'accorde. Passe dans ma zone, j'prépare la sauce. Mes sauces sont ensemble, prêts pour l'assaut. La France me sac pour rien, j'suis pris les mains dans le sang. J'ai du sang sur les mains à croire, j'ai ça dans le sang. Passe dans ma zone, j'prépare la sauce. Mes sauces sont ensemble, prêts pour l'assaut. La France me sac pour rien, j'suis pris les mains dans le sang. J'ai du sang sur les mains à croire, j'ai ça dans le sang. Un beat, une basse, j'suis pris les mains dans le sang. J'y mets ma patte à beat et j'gratte ce que j'ai dans le ventre. Quand j'kick, je frappe, c'est pas une soirée dansante. Une fois dans le champ, tire les MC, prennent la tangente. Ça sent le danger, un arrière-coup de vengeance. Ça veut se ranger, les têtes tombent comme en période de vendange. J'entends l'appel de la rue, la vente drogue. En manque de thunes, faut que j'me coupe l'oreille comme Van Gogh. J'fais mon truc dans mon coin, ma rap musique. Crois-tu vraiment qu'en serrant les poings, on sauvera l'usine? Toujours la même, qu'on soit Mohamed ou Sissoko. Si on se tue pour des sous, c'est que les issues sont closes. À part des saisons, quoi. Si je recroise celui qui n'a pas que en moi, je le scalpe comme les Iroquois. On a connu la rue, la chienne t'es la crise. Donc je veux qu'on me crève sur le ring comme Apollo Creed. Passe dans ma zone, je prépare la sauce. Mes sauces sont ensemble, prêts pour l'assaut. La France me sac pour rien, j'suis pris les mains dans le sang. J'ai du sang sur les mains à croire, j'ai ça dans le sang. Passe dans ma zone, j'prépare la sauce. Mes sauces sont ensemble, prêts pour l'assaut. La France me sac pour rien, j'suis pris les mains dans le sang. J'ai du sang sur les mains à croire, j'ai ça dans le sang. J'gratte un petit freestyle au fil de la plume. Pendant que mon pote plane parce qu'il fume de la pure. Au stud chambre froide, on stud chambre et flâne. Le style change et toi, tu kiffes quand je fly. Sur l'instru, j'lâche un truc égo trip névrosique. Prod, genre le sud et le gros clip sur la zik. Jump comme Chris Cross, spliff scotch. Dur de résister comme Chris Brolls. Les flics boss, plaquage au sol, slip frog. Un petit flop, nique sa mère, leur ville propre. Ils prônent la guerre à la drogue comme Bill Clinton. Mais sur le trône de fer, mes frères visent le Hilton. Je rêve comme Luther à Washington. Et mastique les MC comme un chewing-gum. Appelle-moi Babdou, négro, bougnoul ou shintok. Chipote pas, je les mets tous au pas à coup de chicote. Passe dans ma zone, je prépare la sauce. Mes sauces sont ensemble, prêts pour l'assaut. La France me sac pour rien, je suis pris les mains dans le sang. J'ai du sang sur les mains à croire, j'ai ça dans le sang.